Das Schweizer Parlament hat am 16. Dezember Le 16 décembre 2022, le Parlement suisse a décidé de prolonger certaines dispositions de la loi COVID-19 jusqu'à la mi-2024. L'élément central de cette décision est la base légale pour le certificat COVID, pour l'application COVID et l'adoption de mesures telles que l'obligation de porter un masque. Plusieurs groupements ont lancé un référendum contre cette décision et collectent des signatures. Daniel Trapitsch, du réseau de décision sur la vaccination, voit notamment un grand danger dans la prolongation de l'article 3. Il s'agit dans cet article de prévoir des exceptions à l'obligation d'autorisation pour les médicaments ou encore d'adapter les conditions d'autorisation ou la procédure d'autorisation. Si cet article est prolongé, tout autre vaccin à ARNm pourrait être autorisé sans examen complet. Dans son commentaire du vendredi, brisant, du 30 décembre 2022, le journaliste Anjan Librandt critique lui aussi vivement la prolongation des dispositions légales. Écoutez ci-dessous un extrait de son commentaire intitulé « Nous devons nous battre encore une fois ». Tirer un trait plutôt que de continuer. Il n'y a tout simplement aucune raison rationnelle de prolonger une nouvelle fois la loi COVID-19. Il serait plutôt temps de combler les fossés qui se sont creusés à travers les familles et les amitiés. Le temps est venu de tirer un trait sur ce chapitre et de signaler aux nombreux citoyens qui ont perdu confiance dans notre système au cours de la pandémie que l'on a appris de ces erreurs et que l'on souhaite les reconquérir. Mais que fait notre Assemblée fédérale? Elle continue à maintenir en vie la loi Covid et refuse, à l'exception de l'UDC et de l'UDF, de faire un bilan complet des mesures prises par l'État pour lutter contre la pandémie. Pas la moindre trace d'humilité ou même de repentance. En l'espace de 2 ans, au moins 60 milliards de francs d'impôts ont été dépensés pour des mesures et des garanties et des cautions ont été contractées pour 42 autres milliards. Ce simple fait exige une enquête à grande échelle sur la manière dont l'argent des contribuables a été utilisé. Un retour à la normale durement acquis. Il n'est donc pas étonnant que le scepticisme ne faiblisse pas. Comment le Conseil fédéral et le Parlement peuvent-ils faire croire qu'ils visent un retour à la normale si, dans le même temps, ils ne veulent pas perdre le pouvoir de remettre en vigueur à leur guise le certificat Covid dont l'inutilité est avérée? Les contemporains cultivés reconnaissent clairement les parallèles historiques avec la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu des efforts persévérants de la part du peuple et une initiative populaire fédérale pour abolir le régime des pleins pouvoirs du Conseil fédéral prévu pour le temps de guerre et de revenir à la démocratie directe. Après la fin de la guerre, cela a finalement duré plus de 7 ans avant que l'Assemblée fédérale abroge les derniers décrets sur les pleins pouvoirs fin 1952. Apparemment, en Suisse aussi, la classe politique n'est pas à l'abri d'un gain de pouvoir temporaire. C'est pourquoi il appartient une fois de plus au peuple de reconquérir sa souveraineté à la force du poignet. Tous ceux qui déplorent une nouvelle tempête et disent qu'il n'y a plus de mesures à prendre peuvent facilement être contrés. Si aucune nouvelle mesure n'est prévue, pourquoi prolonger la loi jusqu'à la mi-2024? Voilà ce qui ressort du commentaire de Librandt. Si vous, citoyens suisses, souhaitez soutenir ce référendum, vous avez la possibilité, sous cette émission, de télécharger et d'imprimer les feuilles de référendum des différents comités. Veuillez noter que les feuilles de signature doivent être renvoyées aux comités concernés au plus tard le 15 mars 2023. Le plus vite sera le mieux. Je schneller, desto besser.